2万人近く亡くなりますね。うわーっと泣き出すんだよね。そんなに死んだのか。あなたはその中の一人なんですよ。 Est-ce que tu as vu le film d'Hélène Robert et Jérémy Perrin, Brise l'âme, qui est une merveille, où on voit la construction des digues, d'une immense digue, Brise l'âme, pour empêcher une prochaine vague d'abîmer le paysage. Et donc ces gens qui sont des gens de mer, qui vivent de la présence de la mer, en termes à la fois de métier, de construction mentale, de paysage, d'environnement, désormais, ont affaire à cette énorme digue, qui a aussi quelque chose de dérisoire, parce que jamais une digue, hein, comme disait Mallarmé, n'aura empêché la vague d'arriver. 11 mars 2011, Japon, la digue cède. Elle est au large du cœur de la zone, tout près d'une école qui était pourtant à plusieurs kilomètres de la mer, mais qui a été entièrement ensevelie par la vague. Pensons à Fukushima. Est-ce qu'on peut évoquer une intentionnalité de la part du constructeur nucléaire ? En 2009, des chercheurs donc avaient fait des mises en garde sur la sécurité d'un certain nombre de centrales nucléaires au Japon en cas de catastrophe naturelle et notamment de tsunami. Si ce n'est pas intentionnel, est-ce que c'est en connaissance de cause ? L'intentionnalité, tout dépend comment on la définit. Par exemple, en droit français, l'intentionnalité est toujours assortie d'une intention de nuire, ce qui n'est pas le cas de l'accident de Fukushima, puisque TEPCO, donc, et le directeur de TEPCO, n'avait pas l'intention de provoquer une catastrophe nucléaire dans la manière dont il a pensé et construit cette centrale. Valérie Cabanès, juriste. En revanche, dans le statut de Rome, article 30, il y a une subtilité intéressante qui est que l'intention peut être aussi définie par le principe de la connaissance des conséquences des activités que l'on mène. Et dans la définition, par exemple, de l'écocide qui est proposée par le panel de juristes, de 12 juristes dont je faisais partie, nous proposons donc que l'écocide puisse être défini en tant qu'acte illicite ou arbitraire commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l'environnement des dommages graves, qu'ils soient étendus ou durables. Et dans ce contexte-là, on s'affranchit de cette façon de réduire l'intentionnalité à une volonté de nuire, mais on regarde donc effectivement le principe de la connaissance. Dans le cas de Fukushima, on sait que le patron de TEPCO, au moment où les ingénieurs lui ont recommandé de construire un mur autour du réacteur d'au moins 15 mètres de haut, parce qu'il avait déjà été anticipé qu'un tsunami pouvait atteindre cette hauteur, a décidé de ne construire un mur que de 13 mètres, de manière à faire des économies sur la construction du réacteur. C'est plus qu'une négligence. C'est une faute qui a mis en péril la sécurité des populations avec la connaissance des risques qu'il faisait prendre à la population. Et dans ce contexte, moi je considère effectivement que le directeur de TEPCO pourrait être aujourd'hui jugé pour écocide. Écocide. Le terme est construit à partir des racines « éco » du grec et « cide » du latin « abattre ». Écocide signifie littéralement « abattre notre maison ». Toujours les mêmes questions. Qui du maître d'œuvre, de l'architecte, de l'artisan ou du propriétaire peut être tenu pour responsable si la maison brûle? À qui incombe la preuve? Mais lorsque notre maison est la terre et que les dommages sont irréversibles et incommensurables, comment mesurer l'atteinte? Et face à des projets pharaoniques bénéficiant de technologies débordant ses propres concepteurs, comment prévenir le danger? Écocide, qualifier le crime, récit du sol, du sous-sol et de la contamination. Je pars à la chasse avec des femmes walpiri dans le désert Tanami. Elle marche pieds nus. Le sol est rouge. Un petit peu sablonneux, mais par endroits, ça craque. Il y a des fissures, le sol est dur. Et ici et là, des petits arbustes qui piquent. Les herbes dites de Port-Épic. Les femmes sont habillées avec une jupe et puis un petit t-shirt, mais en marchant parfois enlèvent le t-shirt parce qu'elles ont envie d'apprécier le soleil qui tape dur. Je ferme les yeux et j'entends un bourdonnement, les mouches. J'ouvre les yeux, les mouches se posent sur mes paupières. Je regarde mes compagnes, pas de mouches sur elles. Tiens, ah, c'est qu'elles ne mangent pas la même chose que moi. Et elles regardent le sol. Et elles cherchent, elles pistent des craquelures dans le sol qui permettent d'indiquer où sont les ignames. D'un seul coup, elles s'assoient, elles se mettent à creuser, à creuser, à creuser pour trouver ces ignames. Et je comprends qu'en fait, il est probable qu'à cet endroit-là, il faut sentir un peu le sol, ce qu'elles font tout de suite. Il y a de l'urine. C'est de l'urine, soit de quelques lézards, les fameux varans, les goannas, comme on dit en anglais. Là, pareil, on creuse. Et là, ça va à une vitesse incroyable. Des fosses de 1 mètre, 1,50 mètre. Parfois, c'est des varans qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre. Qui sont en train de creuser eux-mêmes leur galerie et de changer d'endroit. Et ça peut se faire sur des dizaines de mètres. Et puis d'un seul coup, ça y est. Il y en a une qui attrape une queue, qui la sort très très rapidement et qui la tape sur le sol. Et voilà, le repas est prêt. Ce désert est un désert vivant, plein de vie, de multiples vies. Visible et invisible. Parce que ce soit les ignames ou toutes les nourritures de chair fraîche que l'on trouve dans le désert, dans la journée en tout cas, elles sont sous terre. Et donc également invisibles, les esprits. Parce que quand on campe dans le désert la nuit, eh bien on écoute et on entend toutes sortes de bruits. Et parfois, en tendant bien l'oreille, on entend des enfants pleurer. Mais ce ne sont pas des enfants vivants. C'est la mémoire d'enfants qui ont traversé ces espaces avant et qui continuent à habiter la mémoire de la Terre, qui reste vivante. Barbara Glozewski. Si les aborigènes sont propriétaires de leurs terres, ils ne le sont pas du minerai. Au cœur du parc national de Kakadu, dans le territoire du Nord, le peuple Mirar est menacé par l'exploitation d'uranium depuis les années 80. C'est un gisement gigantesque qui se trouve là. Et les aborigènes avaient dit, mais faites très attention, c'est un site du rêve du feu. Et nous, on sait très bien que les sites du rêve du feu sont très dangereux. On ne s'en approche pas. Parce qu'ils sentent la radioactivité. Et ça, aujourd'hui, on peut la mesurer avec des instruments sur des sites où il y a de l'uranium. Mais eux, depuis on ne sait quelle époque, hein, les aborigènes sont là depuis 60 000 ans, la matière vivante est la même pour la Terre, les humains et toutes les formes du vivant, et aussi les étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et la matière a une mémoire. Et cette mémoire, les humains la portent dans leur corps. Mais ce qui est spécifique chez les aborigènes, c'est qu'ils ne portent pas la mémoire de tout. Ils portent la mémoire des lieux. Et comme dans le désert, ils étaient semi-nomades, depuis qu'il y a un désert, donc ça n'a pas toujours été un désert en Australie, donc ils portent aussi la mémoire des forêts qu'il y a eu là, ou de la mer intérieure qu'il y a eu là, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que en rêve, par exemple, eh bien, on a des informations qui nous viennent d'une mémoire qu'on partage avec le groupe, avec ses ascendants, mais aussi avec les formes du vivant qui sont associées au territoire qu'on habite. Mais chaque animal, chaque plante, chaque chose vivante a sa loi qui permet aux humains d'agir d'une manière qui est complémentaire avec les autres habitants du même peuple. pour certains lieux qui sont reliés par des lignes de chant, des lignes de récit que l'on doit donc régulièrement chanter, danser et peindre sur son corps pour prendre soin de ces lieux, eh bien si les lieux sont détruits ou si les espèces, frères et sœurs des gens qui sont gardiens de ces lieux sont menacées, les personnes se sentent très mal. Que suis-je d'autre, moi aussi, qu'un peu de bois mort drossé sur le sable, une poignée de feuilles et de grains à prendre et relâcher, moi-même confondu avec tant de débris sur le sable. William Whitman. Alors c'est pour moi une assez belle définition de la façon dont j'utilise sédimenter comme verbe d'action, au sens peut-être de métaboliser quelque chose qui relève de la structure géologique du monde. Mathieu Dupérex. L'intégrer, y compris morphologiquement. Est-ce que vous êtes un marcheur, Mathieu Dupérex ? Oui, je marche. J'ai pas une marche extrêmement poussée en nombre de kilomètres, on va dire. Napoléonville, Mississippi. Cela a commencé par le méthane, de nombreuses bulles remontées à la surface du bayou. Et un jour, le pétrole a remonté. Une fissure du dôme de sel s'était produite, car en dessous gît une immense caverne de sel, une poche naturelle de dimension kilométrique, créée entre deux croûtes géologiques par la remontée de sel. Quelques semaines après l'évacuation de la population, tous les arbres ont disparu dans le diamètre grandissant du trou. Tous aspirés par la dépression géologique. Des cyprès de 30 mètres qui plongent. Crac. Pour leurs propriétés d'imperméabilité, les dômes de sel sont des réservoirs rêvés pour le pétrole brut, le gaz, voire les déchets radioactifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir en fait un certain nombre de potentiels du sol, de la botanique qui nous entoure, et puis bien sûr le vivant, comment il compose quelque chose. Mais j'ai une affection particulière pour des sols qui ont été traversés par des désirs un petit peu différents, voire adverses. C'est pour ça que les deltas, les grands deltas fluviaux, m'intéressent particulièrement. Les deltas des fleuves héritent de cette profondeur animée des sols que l'eau lèche, pénètre et érode. Mais leurs bouches ne sont plus mouvantes sur le trait de côte et n'apportent plus au territoire la terre dont il a besoin pour se défendre des appétits rongeurs de la mer. Mathieu Dupérex, il a écrit ce livre formidable qui s'intitule « Voyage en sol incertain » qu'il a composé après une longue enquête documentaire sur deux deltas, bien différents mais qui parfois posent exactement les mêmes problèmes, celui du Rhône et celui du Mississippi. Et il a composé son récit à partir des différents personnages ou points de vue sur le paysage qu'il a rencontrés. Ça peut être une bête, ça peut être une plante, ça peut être un dôme de sel qui s'est effondré. Donc en se plaçant à chaque fois dans la perspective de l'une de ces composantes dynamiques du paysage, que sont tous ces habitants, ceux qui viennent croiser leur ligne de vie avec toutes les autres lignes de vie ou toutes les autres lignes de mort. En composant ces récits, il élargit le temps à des échelles considérables. Ça devient l'histoire du sol par lui-même, en fait. Donc, on peut lire la longue aventure terrestre à même les formes de sédimentation, de recouvrement. On a là des souvenirs de beaucoup de vies, de beaucoup de disparitions aussi, mais qui continuent à faire palpiter leur fantôme, leur existence spectrale dans ce sol-là, qui devient tout à coup le héros d'une immense aventure. Vous êtes à l'écoute des sentinelles, des spectres. Les spectres sont pour moi, bon, ça peut être des végétaux, des animaux. Bah, comme leur nom l'indique, ce sont des fantômes d'un état qui nous a précédés et qui viennent bien nous hanter lorsqu'il est question de disparition de la biodiversité du fait de nos actions. Je pense que effectivement, on a tout un certain nombre de spectres qui hantent nos lisières, nos paysages. Les spectres. Procambarus clarki, l'écrevisse de Louisiane. Bostorus. Taxodium disticum, le cyprès chauve. Les sentinelles. Prunus dulcis, Ardea herodias. Les résidents. Le bousier ou Scarabeus laticolis. Les sentinelles, c'est une autre fonction de ces animaux que je sélectionne ou végétaux que je sélectionne, qui ont pour tâche en fait de nous avertir, de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend dans nos paysages, dans la façon dont on les altère. Alors j'ai besoin effectivement des non-humains de façon plus large. Les non-humains en tant que finalement ils conspire à nos états d'existence, à nos paysages, à notre peut-être conception du temps, notre positionnement géographique, bah, pour produire ce récit des sols. Une petite araignée portant son cocon passe vite entre quelques galets. Je soulève une feuille en décomposition et vois trois cloportes avec leur carapace en chitine et un long chilopode sinué. Je collecte près d'un petit chêne la mue d'une larve de cigale, mais elle s'effrite bientôt, faute de précautions suffisantes. Mais ce qui me captive par-dessus tout, c'est un scarabée bousier au travail. Le bousier, 2-3 cm à peine. Hercule. Je me demande si cette pelote fécale dont il a besoin pour se nourrir contient à son tour beaucoup de pesticides, d'hydrocarbures, de métaux lourds. Ce qui est particulier dans le bousier, c'est la façon dont il va mener sa pelote, sa boule, généralement d'excréments, jusqu'à son nid, en procédant en sens inverse, en poussant cette boule avec ses pattes postérieures et en prenant appui sur ses pattes antérieures avec une force colossale. Proportionnellement parlant, c'est quand même un des animaux sans doute les plus forts sur la surface de la planète. Quand on le voit, en fait, comme ça, de façon herculéenne, pousser cette boule et tracer son chemin par faire cette boule de sédiments, de ce qu'il a pu raccrocher comme matière. On a un tempérament bousier dans notre extractivisme contemporain. Nous sommes tous des bousiers. Minerai de sang, colline de Bissier, RDC, 15 janvier 2010. Je continuais à m'enfoncer. Je me guidais sans lumière, à tâtons, guettant la lueur d'une lampe torche. L'air était d'une pesanteur de plomb. La terre semblait devenir de plus en plus molle et argileuse. Le couloir se resserrait sur moi. Je devais baisser la tête pour ne pas me cogner. À chaque marche, à chaque glissade, j'étais pris d'une sorte d'ahan. Ma respiration devenait de plus en plus bruyante. Je finis par m'arrêter. La crainte de l'éboulement, de l'asphyxie, du noir, cet égouttement continuel, les bois cassés sous la pression de la terre. Combien d'êtres vivants, ce tube, ce gros intestin avait-il englouti ? Ils ne sont pas comptés, ces morts ? Non, non, non, il n'y a aucun recensement de toutes ces victimes. On ne connaît pas non plus le nombre d'éboulements qui a eu lieu à Bissier. Il n'y a pas, dans mon souvenir, de poste de secours. Hein. Vous n'avez pas de pompiers, il n'y a personne pour intervenir, sinon les autres creuseurs qui peuvent se porter au secours de leurs compagnons d'infortune. C'est une tragédie muette et totalement invisible. Christophe Boltanski. On est vraiment dans extraction qui rappelle la ruée vers l'or en Californie au milieu du 19e siècle. En revanche, les dégradations causées à l'environnement sont considérables. Ce sont des collines où toute la forêt, toute la faune a disparu. Hein. Vous n'avez plus que de la terre, de la roche, des trous et aussi une atteinte à la physique. Ce sont des corps souffrants, donc ce sont des gens qui sont effectivement dans des conditions physiques très mauvaises. Vous retrouvez ce qu'on appelle communément un petit peu des seigneurs de guerre, Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda. Alias Terminator. Alias Terminator. Un ex-commandant du SNDP venait d'être inculpé par la Cour pénale internationale pour avoir recruté des enfants soldats, drogués au chanvre et à l'alcool de palme, prêts à tous les sacrifices. Dans ce pays, tout est une affaire d'échelle. Si vous assassinez 5 personnes, vous voilà un criminel. Mais si vous en tuez 5000, on vous convie à la table des négociations et vous devenez général dans les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, m'avait expliqué quelques jours plus tôt un diplomate européen avec amertume. Des porteurs désœuvrés se disputaient les quelques sacs bourbeux en polypropylène tissé, remonté des abysses par leurs compagnons. Tous étaient là, à guetter l'irruption de ce qu'ils appelaient la matière. De quelle matière, de quel minerai s'agit-il ? Alors il s'agit d'un minerai que l'on appelle la cassitérite, plus précisément de l'oxyde d'étain, qui est un minerai très recherché par l'économie mondiale parce qu'il est utilisé depuis de nouvelles réglementations environnementales édictées à la fois par l'Union européenne et par les États-Unis. Évidemment, il y a une ruée sur l'étain parce que l'électronique est en plein essor. Vous savez, on parle de la loi, je crois la loi de Moore, hein, donc c'est une progression quasiment exponentielle de l'électronique. Et donc, cette électronique a un besoin absolument impérieux d'étain pour justement tous ces points de soudure qui sont ces nœuds de raccordement de toute cette électronique que l'on trouve absolument dans les objets de notre quotidien, dans nos ordinateurs, nos téléphones, derrière de nos voitures et dans bien d'autres objets. Quand vous suivez ce petit caillou, très vite, vous entendez cette petite musique qui est « Oh, ben nous, on ne sait pas très bien d'où vient ce minerai. » Donc, oui, vous dites des groupes armés, peut-être, mais nous, vous savez, on l'a acheté, c'est légal, à un comptoir ou à des négociants, à des marchands. Et donc, effectivement, tout est fait pour que ce minerai, finalement, n'ait pas d'origine. Et c'est presque une sorte d'opération de blanchiment. Presque au sens propre, dans le sens où vous avez cette roche qui est très lourde, très dense, qui est de couleur verte, rouge, et qui, au fur et à mesure des opérations qu'elle va subir, va devenir de plus en plus petite et de plus en plus blanche, et sans odeur, sans saveur et sans passé. Vous n'êtes pas le seul à tenter de comprendre cet écheveau complexe de responsabilités. Le Conseil de sécurité a confié depuis juin 2000 un mandat assez précis à un certain nombre d'experts, celui de réunir des informations sur toutes les activités relatives à l'exploitation illégale de ressources naturelles. Oui, et c'est vrai que ce groupe d'experts, donc chaque année, publie un rapport hein, sur l'exploitation illégale des minerais, mais aussi sur les trafics d'armes, sur tous les aspects annexes à cette guerre sans nom. Et en général, on retrouve d'ailleurs les mêmes filières, les mêmes personnes. Donc ces rapports sont présentés devant les différentes instances onusiennes, mais à ma connaissance, elles ont très peu d'écho, y compris dans les médias. Hein, donc à part quelques spécialistes de l'Afrique, je ne sais pas même qui les a consultés, ces rapports. C'était pour moi important d'avoir les noms, que ça ne reste pas anonyme, et pour montrer que voilà, derrière toute cette chaîne, il y a des sociétés, des hommes, des intérêts. Bolloré Logistique, SDV, Mineral Supply Africa, CMA-CGM, Malaysia Smelting Corporation, Enkel, Apple, IBM, Nokia, Microsoft, Foxconn, Motorola, Alcatel. Voilà, vous aviez toute l'électronique mondiale. Sur la question de l'exploitation des minerais partout dans le monde, on peut dire que les multinationales profitent d'un droit moins contraignant. Et pourtant, ils ne sont pas tout à fait hors la loi pour l'instant. Comment imaginer qu'ils acceptent qu'ils puissent être un jour condamnés devant une cour pénale internationale ? Alors, ils sont protégés de deux manières. Ils sont protégés effectivement par le fait que, n'étant pas des États, les multinationales, ils ne sont pas soumis jusqu'à présent aux obligations qui sont posées dans les traités internationaux. Valérie Cabanès. Et puis, de manière générale, on a déjà eu beaucoup de mal, effectivement, à avoir un droit pénal international reconnu pour les États. Mais il faut aujourd'hui reconnaître aussi que ce droit pénal international doit pouvoir être invoqué concernant les activités des multinationales qui naviguent indépendamment, finalement, des règles du jeu, de la scène internationale et des droits humains et du droit de l'environnement. Donc il faut absolument aujourd'hui que les entités morales comme les multinationales puissent être reconnues comme des sujets de droit pénal international. On doit être aussi en capacité de reconnaître la nécessité de protéger les conditions de la vie sur Terre et donc d'aller reconnaître aussi des crimes graves, qui seraient par exemple le crime d'écocide. Qu'est-ce qu'on enterre et qu'est-ce qu'on déterre dans ces récits du sol ? Alors, ce qu'on enterre et ce qu'on déterre, c'est ce à quoi on tient le plus et ce dont on a le plus peur. Marielle Massé. On déterre tout ce qu'on veut voler à la terre, des ressources. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle extractiviste, celui qui fait que nos vies en surface sont dans une grande dépendance de ce qu'il reste sous nos pieds. On déterre des trésors du passé, c'est tout ce qui vient avec le métier d'archéologue. Et puis on enterre aussi le plus précieux et le plus inquiétant. On enterre nos morts, on enterre aussi des trésors, potentiellement. Et puis on enterre des déchets, on enterre beaucoup de déchets. Isabelle Lotz a mené une grande enquête sur les séquelles environnementales de la Grande Guerre, celle de 14-18. 55 millions d'obus, mais aussi de grenades et d'engins de mort, ont été projetés sur Terre. Un laboratoire à ciel ouvert d'armes chimiques. Nous arpentons la zone rouge, haut lieu de la guerre des mines, sous nos pieds des souterrains, des tunnels et l'ombre errante des soldats morts. Une corneille, je crois. Oui. Corneille. Nous nous enfonçons dans une forêt. La nuit tombe. Tu vois, tout ça, c'est du métal. C'est des anciennes boîtes dans lesquelles il y avait justement probablement des explosifs. Des munitions. Donc on voit qu'il y en a plein qui sortent des feuilles là. Les bords sont tranchants, sont rouillés. Là tu vois, ça pourrait paraître être un trou d'obus comme on en voit sur le champ de bataille. Mais ici précisément, c'est probablement plutôt un endroit où on a fait exploser des obus après la guerre. Donc il fallait faire quelque chose de ces munitions qui devenaient dangereuses quand elles étaient en plein air. Ce qui a formé des cratères assez imposants. Oui. Aussi larges qu'une piscine municipale, quasi. Voilà. Mmh. Et c'est tout un chapelet, en fait. C'est couvert par les bois. Du chemin, on ne les voit pas. Qu'est-ce qui s'échappait de ces obus à ce moment-là, lors de leur explosion ? Il y a quand même toute une série de métaux lourds, en fait, qu'on va retrouver. Et puis, des résidus, par exemple, de perchlorate dans les poudres. Alors, les perchlorates, on connaît ça aujourd'hui parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Et en fait, ces résidus, ben, évidemment, une fois que l'obus explose, peuvent se retrouver aussi dans la nature. Il y a eu une étude, mais qui n'a pas été officielle, et dont les résultats n'ont pas été publiés officiellement, mais qui démontrait bien qu'il y avait aussi une pollution qui pénétrait chez les sangliers notamment, puisqu'eux se nourrissent de ce qu'il y a dans la forêt. Vous parleriez d'une zone toujours contaminée ? Il faut voir jusqu'où va la contamination, et ça aujourd'hui, finalement, il y a peu d'études qui s'y intéressent. Donc, que devient cette pollution ? Elle est a priori diffuse. Après, il y a des points rouges, on va appeler ça. Ce sont surtout des zones où des stocks d'obus se trouvent encore et où ces stocks d'obus peuvent, avec la corrosion, commencer à relâcher leur contenu. Et ça, c'est des spots sur lesquels il faut pouvoir remettre la main pour pouvoir les traiter aussi. Pourquoi mettre la main ? Parce qu'ils sont sortis de la mémoire bien souvent. Et on a refermé une page du livre, puis il y a eu d'autres préoccupations. Et on a bien souvent oublié cet épisode de l'histoire. Ici, on se retrouve au sortir de la guerre, parfois sans terre ou avec des terres polluées. Bien sûr, mais en plus de ça, il y a une véritable érosion de la population parce que des gens qui avaient déjà du mal à vivre de leurs terres avant-guerre... En Meuse, vont parfois ne pas revenir. Donc la démographie n'a jamais retrouvé en Meuse son niveau d'avant la Première Guerre, encore aujourd'hui. Et ce fait-là, cette baisse démographique, va avoir d'autres impacts. C'est-à-dire que par le fait que la région compte encore moins de population, ça facilite le fait qu'elle soit peut-être moins bien traitée ou qu'on y mène certaines activités. En l'occurrence, en fait, dès les années d'après-guerre, on va décider d'amener des quantités d'obus provenant d'autres départements qu'on est en train de désobuser plus rapidement. Et où est-ce qu'on va les amener ? On va les amener en Meuse. Donc la Meuse a servi à l'époque... on peut le dire, de poubelles pour d'autres départements. La nouvelle gare, TGV Meuse, a un chapeau ou un toit affaissé, je ne saurais dire. J'emprunte la voie sacrée, l'artère logistique de Verdun, où matériel, soldats, blessés, étaient convoyés pour me rendre à Bure. L'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs, l'ANDRA, provisionne 28 millions par an pour le département. Elle arrose, comme on dit, voirie, développement culturel, matériel scolaire et brochures sur le nucléaire, mais aussi des lieux de mémoire de la Grande Guerre. Elle tisse ainsi une relation contiguë, visible et morbide, entre le présent et le passé. Le choix stratégique national d'implanter le centre de stockage profond de déchets radioactifs, nommé CIGEO, doit être accepté par la population. Cet automne, une enquête d'utilité publique est en cours. Quand est-ce que se pose la question des déchets nucléaires, de ce qu'on va en faire ? En fait, c'est une question qui se pose assez tôt. C'est-à-dire qu'au début, on les considère comme des déchets chimiques. C'est-à-dire qu'enfouir des déchets chimiques, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Depuis le début du 19e, on enfouit les déchets chimiques. Et on les considère comme des déchets chimiques assez classiques. Et au final, du coup, les enfouir dans des cavités ou les déposer dans le désert, dans la nature, c'est la première solution qui est pratiquée. Léni Pénito, chercheur en histoire des sciences. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand même, ça pose un problème, ces déchets, parce que ils ont quand même certaines propriétés qui les rendent dangereux, difficilement manipulables. Et jusque dans les années 70, 90, ça dépend des endroits du monde, c'est de les immerger, c'est-à-dire les mettre dans l'océan, de prendre des bateaux et d'aller les larguer plutôt dans des fosses sous-marines. Il n'y a pas de communication entre l'eau de ces fosses sous-marines et le reste des océans. Mais les Britanniques sont quand même la palme, et notamment à proximité des îles anglo-normandes. Il y a de ce fait des déchets là, personne n'a jamais envisagé de les reprendre, ce qui met un frein ou un arrêt sur l'immersion des déchets nucléaires, c'est cette convention sur l'usage des océans au début des années 70. Cette convention, ce qu'elle interdit, c'est de prendre un bateau, de charger des déchets nucléaires dessus et de les emmener au large pour les déverser. Par contre, ce qu'elle permet, c'est de continuer à déverser des effluents depuis les côtes, et notamment ce qui se passe toujours à La Hague, dans l'usine de retraitement, dans le nord du Cotentin, où là, il y a toujours des effluents radioactifs qui sont rejetés depuis des décennies, et ça continue. On ne sait pas quoi faire des déchets les plus lourds, les plus dangereux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cet encadrement de l'immersion des déchets nucléaires, la seule solution qui reste, c'est leur enfouissement. Solution aussi de dépit, hein. C'est-à-dire que quand on ne sait pas se débarrasser de quelque chose, c'est aussi l'enfouir, hein. Il y a quelque chose comme ça. Elle ressemble à quoi, vos terres ? Il y a un petit peu de brume ce matin. Ouais, un peu beaucoup, ça va se lever, on va voir le soleil. La région en général, ça fait partie des zones intermédiaires. Donc les zones intermédiaires, c'est déjà où il n'y a pas beaucoup de démographie. Donc on est dans des petits villages, espacés, et avec des terres, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas fertiles, parce que ce qui fait qu'une terre est fertile ou pas, c'est le sol, mais c'est aussi le climat. Qu'est-ce que c'est comme terre ? Eh bien ici, c'est de l'argile, comme par hasard. C'est de l'argile en surface, donc ça veut dire que l'argile, c'est la terre qui colle. Hein. On dit que c'est de la terre amoureuse même. Hein. Pourquoi un calvaire, là, à ma gauche ? Eh bien, dans tous les villages, enfin, tout Jean-Pierre dans, Simon. Dans le secteur, hein, sur chaque route, hein, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un, ou ici, un carrefour de 4 ou 5 routes, il doit y avoir 4 ou 5 calvaires. Sur chaque route. Sur chaque route. Ouais. Et où mènent les routes, ici ? Ben, au village suivant. Et on arrive encore à voir... le vrai calme. Entendre le fond de la nature, c'est de la nature qui parle et on n'a plus de bruit du tout à l'horizon. Alors que bah, par rapport au projet qui nous menace et qui est derrière la colline, là, on n'aura plus ça. Ça, c'est quelque chose qui va disparaître. Vous êtes là depuis combien de générations sur cette terre ? Eh bien, 3 générations. Alors, comment vous entendez parler de ce projet immense ? J'étais sensibilisé dès le début. En 95, on a déjà eu l'Andra qui a débarqué sur le territoire pour dire on va enfouir. Mais ils se sont fait virer et il a fallu qu'ils trouvent une autre solution. Et la solution, ça a été l'idée géniale du laboratoire. Donc c'est là où ils ont posé leurs valises, ils ont racheté une ferme champêtre qui est derrière le bois là. Donc cette idée géniale du laboratoire leur a permis de dire ici on vient avec nos valises, on vient chercher. Sous-entendu, on ne vient pas enfouir. Et c'était ce qui était dans la bouche de tout le monde, et c'est ce qui était déversé, avec, je dois le dire, l'accompagnement financier qu'elle avait. Donc, on a accueilli en 2000 le laboratoire. Sur seulement 20 hectares à l'époque. Sur seulement 20 hectares. Alors que le laboratoire, en fait, a travaillé pour construire Cigéo dans l'ombre, qu'on a rendu public allez, depuis 2015, 2016, petit à petit, avec... Le laboratoire, c'est une vitrine, quoi. L'idée qu'il y a derrière l'enfouissement, c'est que garder ces déchets en surface, ça expose des populations, et des populations qui vivraient potentiellement dans des temps très lointains, au danger des radiations. C'est-à-dire que enfouir, c'est présenté comme une manière de protéger les gens qui vivent sur Terre et leurs descendants lointains aux radiations. C'est-à-dire que d'abord, c'est éloigner les déchets des populations. Lenny Penito. Et du coup, il y a besoin quand même un tout petit peu de montrer que tout va bien se passer. Les déchets dont on parle, les déchets les plus radioactifs, ils vont être dangereux pendant des temps qui se comptent en centaines de milliers d'années, voire en millions d'années. C'est des temps très très longs, qui sont difficilement appréhendables. Mais c'est aussi les temps de la géologie, c'est-à-dire que sur des temps de 100 000 ans, 1 million d'années, les couches géologiques vont bouger, il y aura une prochaine glaciation, il y aura tout un tas de phénomènes importants qui vont bousculer même la structure des couches géologiques. Et du coup, il y a besoin quand même un tout petit peu de montrer qu'on va disposer d'une couche géologique suffisamment stable, que les perturbations qui vont être apportées à cette formation géologique seront maîtrisées. Et il y a besoin de faire un certain nombre de tests assez importants. Et ça, on le fait, en tout cas dans la plupart des pays nucléarisés, par des laboratoires souterrains. Ça permet de s'implanter sur un territoire en y faisant de la science, c'est-à-dire avec un but assez noble, c'est-à-dire de faire des études. Et puis après, une fois qu'on est là et qu'on a montré que tout allait bien, eh bien, on est déjà là. Là, à vol d'oiseau, on a le laboratoire en lui-même, avec une zone déjà de puits, de descente, d'ascenseur vers le fond, un bâtiment technique. Juste à côté, il y a l'hôtel-restaurant de l'Andra. En fait, alors on dit de l'Andra, il appartient à la commune, mais clairement, il est utilisé par les ingénieurs de l'Andra, par les gendarmes qui gardent le laboratoire. Juste à côté, il y a le bâtiment des archives d'EDF. En face, il y a ce fameux bâtiment de l'écothèque qui met la nature en petits pots. Ils font des prélèvements dans la nature qui nous entoure là en ce moment. Donc il y a la terre, il y a les ruisseaux, il y a les arbres, la biodiversité. Ils la collectent et ils la stockent dans cette écothèque pour plus tard avoir une image du territoire à l'instant zéro avant qu'ils construisent leur projet CIGEO. Lorsque vous menez vos enquêtes au sein de l'ANDRA, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, vous croisez des scientifiques, des personnes qui sont même excellentes dans leur domaine. Est-ce qu'il leur arrive de douter ? Lorsque les géologues de l'ANDRA arrivent dans le laboratoire souterrain, ils arrivent du coup au contact de la roche qu'ils étudient pour y mettre des déchets nucléaires. On se rend compte d'un certain nombre de choses qu'on avait moins pris en compte avant de pénétrer dans la roche. C'est-à-dire que, par exemple, la pression qui s'exerce sur les ouvrages, ça, c'est intéressant parce que on perturbe la roche. C'est-à-dire que les engins de chantier la froissent, mais aussi ça perturbe les circulations d'eau dans cette roche, ça l'assèche, on fait rentrer de l'air, il y a une circulation d'air avec l'extérieur par les tunnels. Il y a la température qui change aussi avec cette communication entre l'extérieur et l'intérieur de la roche. C'est donc une roche assez nouvelle, c'est-à-dire que on est sur des échelles de temps de centaines de milliers d'années, voire du million d'années. Effectivement, c'est bien impossible d'expérimenter sur ce genre de temps. Même avec l'anticipation ou la mesure, des mesures très très fines, c'est quand même très très difficile de faire des projections, de faire des scénarios sur l'évolution de cette roche et de l'ensemble des phénomènes qui vont l'impacter pendant les centaines de milliers d'années prochaines. Il existe autant de projets d'enfouissement que de pays. Et donc les preuves qui sont amenées sont différentes selon chaque site. Dans les pays du Nord, on utilise du cuivre pour les cuves. En France, c'est de l'acier. Pourquoi ? En Suède et en Finlande, le sous-sol est uniquement composé de granit. On va enfouir des déchets nucléaires dans le granit. Malgré ça, on sait que les propriétés de ce granit ne permettront pas de confiner les radionucléides. Et de ce fait, la preuve de la sûreté des projets de stockage suédois et finlandais, elle repose sur des colis en cuivre. Et alors, en France, on avait plusieurs options en termes de roches dans lesquelles enfouir. On a choisi un argile qui a des propriétés de rétention des radionucléides. Et ça, ça a aussi un intérêt économique, c'est-à-dire que ça permet à l'ANDRA d'envisager des colis qui soient, eux, en acier, c'est-à-dire avec des qualités de rétention des radionucléides qui sont moindres, mais qui sont aussi moins chères. Au final, la preuve et la question économique sont liées, et l'économie des projets pèse sur la manière dont on va montrer leur sûreté. On vous a proposé d'échanger hauteur ? Ah oui, on m'a proposé. Je vais dire mieux, j'ai accepté. Oui, parce qu'ici, on n'est pas vraiment, j'allais dire, dans le triangle de la mort. Le triangle de la mort, c'est un triangle entre les trois communes centres qui vont être au cœur du projet, Mandre, Bure et Saudron. Donc moi, je suis à quelques encablures, à 5 km derrière la colline. Malgré tout, on a quand même la ligne de chemin de fer qui va être habilitée. Donc c'est une ligne historique qu'on a devant nous. Elle va passer sur mes terres historiques pour faire une gare qui va être une gare enterrée. Alors si on regarde les maquettes, c'est des travaux pharaoniques. Hein. Donc à ce moment-là, j'ai accepté. Donc c'est donc de l'amiable. Et je vais reprendre une vieille image que dans un village traditionnellement, au siècle dernier, qui est-ce qui regarde ? C'est le maire, le curé et l'instituteur. Voilà, c'était la vieille image. Et à un moment ou à un autre, valait mieux être derrière ces gens-là ou dire comme eux que de s'opposer à eux. C'est jamais facile de s'opposer à ces gens-là. Donc aujourd'hui, les trois places-là, elles sont complètement maîtrisées par l'ANDRA, quoi. Et l'accompagnement œuvre complètement dans ce sens-là, quoi. Quand on passe non loin de Museret, se trouve un lieu-dit que l'on nomme la place à gaz. La place à gaz, oui, c'est une clairière forestière qui gardait les stigmates du brûlage de 200 000 obus chimiques. Isabelle Lotz. Donc c'est dans ces petits villages qu'on a découvert qu'une énorme usine de retraitement de munitions avait été installée et couvrait toute une série de terres agricoles qui ont été utilisées à ce moment-là et d'une certaine forme condamnées d'une certaine manière par cette activité. On sait que la mairie de Museret, ses habitants et les mairies des 11 villages alentours vont protester et user des voies légales pour ça. Mais cette population ne va pas être entendue. C'est-à-dire qu'on va lui répondre, le ministre de la guerre notamment à l'époque, va répondre en disant « Ces craintes exprimées par la population sont infondées. La population a peur de manière irraisonnée. Et il faut qu'elle soit raisonnable et qu'elle accepte l'installation de cette usine. C'est une véritable usine qui va avoir des conséquences sur la vie quotidienne de ces gens. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il y a des obus qui explosent. Donc il y a des vitres aussi dans les villages qui vont exploser régulièrement. Tous les jours, il y a des matières chimiques qui sont brûlées dans des grandes cheminées. Et selon les vents dominants, ces fumées toxiques vont envahir d'une part les cultures qu'elles font mourir, mais d'autre part rendre la population malade. Il importe que la nécessité de ces destructions soit expliquée à la population de la région intéressée et qu'on lui expose en même temps l'exagération des craintes qui se sont propagées au sujet des dangers présentés par les stocks d'obus toxiques. Il est permis d'espérer que les populations qui ont supporté avec tant de courage les bombardements et les souffrances de toute nature pendant la durée de la campagne sauront s'affranchir de craintes injustifiées quand on aura fait appel à leur bon sens et à leur bon esprit. Alors c'est le ministre de la guerre, en 1919, qui demande au préfet de la Meuse de balayer les craintes exprimées par la population des alentours de Museret. En 2018, surgit Ingerop Leak, c'est-à-dire des documents confidentiels liés au site de Bure. Sur ces documents, on trouve des termes assez proches de ceux utilisés par le ministre de la guerre. On trouve ainsi les noms des propriétaires et des exploitants de Bure, des paysans d'aujourd'hui, avec la mention « maîtrisé »,« maîtrisable », voire « difficile à maîtriser ». Et selon le journal Le Monde, on peut estimer qu'il s'agit d'une sorte de fichage. Moi, c'est des éléments de langage qu'on retrouve effectivement en commun entre la situation d'après-guerre et le langage qui est tenu aujourd'hui pour que la population des alentours de Bure accepte que soient stockés là, dans le futur, éventuellement, des déchets radioactifs qui leur resteront pour très longtemps. Donc, on retrouve exactement aussi ce type de langage-là aujourd'hui, en disant la population, les citoyens de manière générale, mais même les agriculteurs ne sont pas des ingénieurs nucléaires. Leurs craintes sont infondées parce qu'ils n'ont pas de vraie connaissance des choses, de la technicité du nucléaire, et donc ils expriment des peurs irrationnelles. Ce qui est marquant, c'est aussi que le choix du département de la Meuse n'est pas anodin du point de vue de la fabrication de cette acceptation. C'est un territoire qui a été terriblement marqué par ces injustices et ces premiers dénis de protestation dans les années d'après-guerre. Et cette population reste marquée aujourd'hui, avec une forme de résignation. Je ne dirais pas qu'elle est générale, parce qu'il y a effectivement un mouvement de lutte et de protestation, mais malgré tout, il y a de manière ambiante dans le territoire une forme de résignation, en se disant « on a toujours été un territoire marqué par la guerre, un territoire marqué par l'après-guerre, à quoi bon se battre ?» Alors on voit sur les bottes de paille qui sont entourées d'enrubanés en plastique, comme on le voit maintenant, non à CIGEO, ni DUP, ni DAC. Voilà, et donc C'est assez rigolo parce que j'ai rencontré ce paysan il n'y a pas longtemps et c'est pas lui qui a écrit ça sur ses bottes de paille, mais les journalistes en font un article en lui attribuant cette magnifique œuvre d'art qui prend soin de ne pas trop défaire trop vite quand même quand il va chercher ses bottes de paille. Voilà. Et devant nous, une voiture de gendarmes, de la gendarmerie, qui circule sur ces routes et ils font le tour d'un périmètre, lequel ? Ils sont censés passer en permanence devant la maison des opposants, les maisons des opposants. Alors non seulement pour voir s'il se passe quelque chose, mais aussi pour repérer les plaques d'immatriculation et qui sont garées devant. Donc des visites. Ça, c'est pour faire du renseignement, essentiellement du renseignement. Devant la maison de résistance, c'est une fois par heure, à peu près. On a déjà calculé. Et après, ça peut être différents véhicules, les jeeps militaires, les 4x4. Enfin, voilà, ça dépend. On repart vers Bure. On va passer devant un endroit qui s'appelle l'ancienne gare de Luméville, et qui est un lieu important et qui va être symbolique dans les mois à venir, puisque c'est un lieu qui risque fort d'être exproprié par l'Andra pour ses besoins autour de la voie ferrée, pour y faire passer ses trains. Ces trains qui vont donc convoyer des déchets nucléaires. Oui, effectivement, ils convoieront des déchets nucléaires de différents ordres. Certains déchets nucléaires seront de faible activité à vie longue, mais il y a certains déchets nucléaires qui seront de haute activité à vie longue. Ces trains-là, c'est ceux qu'on appelle les trains Castor. C'est un passage obligatoire pour un projet comme ça d'être déclaré d'utilité publique. Et donc, que les gens qui participent à cette enquête donnent un avis favorable ou défavorable, et in fine, ou pas, ça ne va pas changer grand-chose, puisque même si les commissaires enquêteurs disent « non, on est défavorable, il ne faut pas qu'il soit déclaré d'utilité publique, en tout cas à ce stade », l'État peut passer outre et déclarer en Conseil d'État le projet d'utilité publique. À un moment, au début des années 2000, l'Andra, elle arrête de parler de preuves. Et le projet est segmenté en différentes étapes, où on ne dit plus qu'on va construire d'un seul coup tout le stockage, mais on commence par une étape, puis après éventuellement une autre, et on se laisse la possibilité que le projet évolue. Et ça, le nouveau mode de gouvernement du projet, c'est aussi une manière de le commencer sans preuves. C'est-à-dire que y a l'idée de phase pilote qui arrive à ce moment-là, c'est-à-dire une première phase industrielle, mais une phase avec beaucoup de tests, avec beaucoup d'expériences qui sont encore menées dans le stockage, et où là, l'Andra se laisse la possibilité de revoir sa copie, d'ajuster son projet et de le faire évoluer. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui apparaît au moment où la question de la preuve, elle disparaît. Avec cette idée de réversibilité. Oui. Ça apparaît aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est aussi une garantie supplémentaire. C'est-à-dire que face à un certain nombre de critiques qui critiquent le fait que le stockage soit définitif. Et à ce moment-là, au milieu des années 90, cette idée de réversibilité, elle vient permettre d'adapter le projet. C'est-à-dire que on peut éventuellement ressortir les déchets, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, même s'il y a plein de doutes et c'est pas sûr du tout que ça sera possible, mais en tout cas on pourra ressortir les déchets, ce qui au final est quand même une manière avant tout de commencer, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même d'engager le projet malgré le fait qu'on n'ait pas de preuves et qu'on soit ok sur le fait qu'on ne pourra pas avoir de preuves. Ce qu'ils entendent par réversibilité, c'est le fait de théoriquement pouvoir retirer les colis et les déchets pendant la phase d'exploitation, sur la période où on est en train de mettre les déchets. Et même cette phase de 130 ans, elle est longue, on n'est pas à l'abri d'un incident. Et on a eu un cas aux États-Unis, qui est un projet militaire fissement de déchets, où il leur a fallu 4 ans pour pouvoir retourner en sous-sol après une réaction en chaîne, un incendie et des explosions. Et où c'est très compliqué, encore une fois, de savoir par quelle boule prendre et de réussir à gérer une situation comme celle-là, en fait. C'est impossible d'aller voir concrètement juste après ce qui se passe en sous-sol. C'est trop dangereux. On est punis. C'est à cause du maire, ça. C'est le maire qui a donné un avis défavorable. Du coup, qu'est-ce qu'ils font, l'Andra ? Eh ben, ils coupent l'électricité, hein. Ça, fallait s'en douter, hein, que ça allait arriver, hein. C'est assez rare à Bure, dans le village de Bure, la nuit, ce qui est assez rare, c'est de voir les étoiles, puisque normalement, les lampadaires sont allumés, les lampadaires financés à haut frais par l'Andra, et il se trouve que là, aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas, et donc on voit pour une fois les étoiles de la maison de résistance. Normalement, on ne les voit pas. Et là, c'est chouette de voir les étoiles, c'est pas souvent. Peut-être qu'à Siopé aussi, mais je ne peux pas la voir. Ouais. Si on arrivait à éteindre le laboratoire, je pense que là, on verrait vraiment toutes les constellations ouais, des galaxies. On va aider Aurèle à décharger, parce qu'en fait, on est parti dans les étoiles, et Aurèle, pendant ce... Concrètement, la question, c'est cet enfouissement de déchets. Comment est-ce qu'on en garde trace pour que des générations futures puissent savoir qu'ici, là, sous leurs pieds, se trouve quelque chose d'extrêmement radioactif et dangereux? Nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est regarder le rapport temps qu'on a entre les premières civilisations babyloniennes. On parle de civilisation au sens ville. Maintenant, Andra a le défi pour 100 000 ans de garder la trace de ces déchets nucléaires. Défi qui, de notre point de vue, ils peuvent essayer de travailler sur de l'iconographie, de travailler sur des moyens de garder la mémoire. Le gros problème qu'il y aura, c'est que les codes évoluent. Ce qui semble évident pour nos sociétés ne le sera pas dans 2000 ans, ne le sera plus dans 5000 ans et encore moins dans 100 000. Comment on peut transmettre sur une telle durée une dangerosité? En fait, c'est impossible, dans les faits. Alors, les générations futures, je ne sais pas si on les convaincra, étant donné qu'elles n'existent pas et c'est ça tout l'enjeu. Néanmoins, l'Andra, elle fait un certain nombre de choses pour essayer de montrer que c'est possible de dialoguer avec ces générations-là. C'est assez marginal hein, dans le travail de l'Andra, mais quand même. Et ça passe par le financement d'œuvres d'art, mais aussi des dispositifs techniques, expérimentaux presque, et notamment, par exemple, par la construction de démonstrateurs qui permettra de laisser une trace durable. Et le point qui est un petit peu drôle par rapport à ça, c'est que lorsque l'Andra fait fabriquer des disques en diamant dans lesquels elle grave son logo et puis deux, trois phrases juste pour montrer qu'elle est capable de graver, il y en a un qui, très rapidement, tombe par terre et casse. Il est très fin et très fragile. Et de ce fait, sa fragilité montre un peu l'absurdité de ce dialogue avec des générations dont on ne peut absolument rien présager. Avec, par ordre d'apparition, Marielle Massé, chercheuse en littérature et écrivaine. Barbara Glozewski, anthropologue et auteur, Mathieu Dupérex, auteur, Christophe Boltanski, auteur et journaliste, Isabelle Lutz, auteur et documentariste, Léni Pénito, chercheur en histoire des sciences, Jean-Pierre Simon, agriculteur, et les opposants de la Maison de la Résistance de Bure. Un grand merci à Angèle. Avec la voix de Laurent Lederer. Mixage, Claire Levasseur, documentation, Annelise Signoret. Écocide, qualifier le crime. Une série documentaire proposée par Nejma Bouakra et réalisée par Thomas Duterre. Coordination Perrine Kervan, Marie-Vonne Abolivier.